Et bonjour, vous êtes sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 382 qui commence maintenant. Jeunes gens qui ont commencé l'émission s'appellent Fleshwater. Ils nous viennent de Georgetown dans le Massachusetts. Ils sont composés de trois membres du groupe Vein & Fenn et de la chanteuse Marissa Shirar. C'est leur premier album. Il s'agit de post-hardcore façon Deftone, riche en riffs syncopés, avec un chant mixte, clair et aérien, entrecoupé de hurlements assez régulièrement, comme souvent dans le post-hardcore. C'est même une des marques de fabrique du genre. Voilà, il y a 9 morceaux, 27 minutes, et c'est sorti sur les labels Nouveau Monde et À temps rêvé du roi, donc c'est une coproduction. Sinon, au programme de cette émission, On aura un petit peu de grunge shoegaze, un album de la semaine avec Soul Blind. On aura une petite séquence, on va dire, anti-folk. Yannicko, bonjour Nico. Salut Fabrice. Tu viens de nous présenter déjà un peu de pop. Ouais, un peu de pop psyché. Et puis après, il y aura un focus sur Rio Loco qui aura lieu la semaine prochaine à partir du 14 juin jusqu'au 18 juin. Avec un invité. Du côté de Près des Filtres avec Fabien Lérisson, son directeur, s'il arrive à sortir des bouchons... avec la pluie toulousaine, voilà. Ah, mais normalement, ça devrait être bon. Il y a une voiture. Je ne sais pas, on verra. voilà, et sinon, tu auras peut-être un petit hommage à Jean-Louis Murat également. Ouais, Jean-Louis, ouais. C'était une des tristes nouvelles. Moi, ça, franchement, ça m'a rendu très très triste. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Voilà, sinon, second album de la semaine, on aura l'excellent Radical Romantique de Fever Ray. Et on terminera, une fois n'est pas coutume, par un petit peu de house. Voilà. Alors de suite, on commence par le premier album de la semaine, donc, qui nous vient de Hudson Valley, dans l'état de New York. Il est signé Soul Blind, donc, qui est un quatuor. Après 4 EP, ils ont enfin sorti un premier album qui s'appelle Feel It All Around, sur Other People Records. C'est 11 morceaux avec entre heavy shoegaze et grunge, et les références c'est plutôt Nothing, Helmet, Swerve Driver, Nirvana, Alice in Chains ou Smashing Pumpkins, donc références plutôt assez prestigieuses. On va écouter 2 morceaux de ce premier album excellent, le premier s'appelle System Falling, le second s'appelle In Between, donc Soul Blind, c'est parti. You're constantly yeah. Voilà, donc à l'instant, c'était le second extrait de notre premier album de la semaine, l'album Feel It All Around de Soul Blind, donc du bon shoegaze grunge, on va dire. On poursuit avec une petite séquence anti-folk et on commence par des Revenants et My My. Donc c'est leur quatrième album depuis 2007 à ce trio parisien qui officie entre pop-folk, lofi donc rock et anti-folk. L'album s'appelle High Life, c'est plein de reflets accrocheurs, c'est sorti sur Vietnam Records, le label du patron de Sopress, je pense. Voilà, les références un peu Neil Young, Grandaddy, Herman Dune. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Blue. Et My My. It's hard to believe a new world has come with a radical change of tone. To find the relief we need a newborn to see if the love has gone. Though I see you. You're so far from me, though I see you. You're so far from me, though I see you. You're so far from me, though I see you. Where is it leading me to? Where is it leading me to? I'm not feeling, I'm not feeling, I'm not feeling. Not feeling well, I can't sleep at all. I can't sleep at all. Can't sleep at all. Can't sleep at all. Because of the thoughts tumbling down on me. Because of the thoughts tumbling down on me. I'm not feeling, I'm not feeling, not feeling. Not feeling. Nothing's gonna happen. Nothing's gone to occur by itself. Nothing's going to happen. Nothing's gone to occur by itself. Nothing's gone to happen. Nothing's gone to occur by itself. I'm not feeling, not feeling. Not feeling, not feeling, not feeling. Juste après, et Maïma, et on est resté dans l'antifolk français avec Herman Dioun, qui est un des fers de lance du genre dans les années 2000. Le morceau qu'on a écouté s'appelle You Are So Far From Me, c'est tiré de The Portable Herman Dioun volume 2, qui est une anthologie acoustique et dénudée de morceaux piochés dans la pléthorique discographie du groupe. Voilà, notez quelques invités féminines de marque comme Jolly Holland, Mayon, Julie Doiron ou Kimia Dawson de The Moldy Peaches. Voilà, Benico. Mais on va écouter maintenant Magone, qu'on ne présente plus, puisque le monsieur sort deux albums par an depuis 2019. Là, il vient de sortir son sixième album, sorti ce 2 juin chez December Square. L'album s'appelle Did You Hear the Kids. Là, le monsieur, qui est israélien à la base, qui a vécu longtemps à Paris, vit maintenant du côté de Costa Rica, et ça se sent dans sa musique qui est de plus en plus cool. Une pop folk psyché qui lorgne vers le West Coast parfois. Donc on va s'écouter le morceau Johnny Was Son of a Bitch et c'est Magone. Johnny met his girl on the 8th day of May, walking alone in the street. She was out of her mind, one of her kind, and Johnny knew very well he wasn't dreaming. She said, ooh la la la la la, he's a son of a bitch. Said to Johnny, hey, come down to LA. We're invited to the show of Celine. He said that he was aware and that he wasn't interested. He'd rather stay at home and do nothing instead. She said, ooh la la la la la, he's a son of a bitch. Ooh la la la la la, French and English, working hard all night long. Johnny was playing for days. When it was time to get paid, he had nothing to say. He didn't complain. La la la la la, l'instant, c'était Rail. Rail, on l'a connu dans le groupe de garage surf Habibi. C'est une chanteuse irano-américaine et qui vient de sortir son premier album. L'album s'appelle Flowers at Your Feet et le morceau qu'on vient de s'écouter, c'est Fables. Et on y retrouve derrière les vocalistes de Beck. Voilà, excellent premier album de pop psyché bien cool. Un peu comme le Magone qu'on a écouté juste avant. Allez, on va passer à notre focus Rio Loco. Rio Loco aura lieu cette année du 14 au 18 juin du côté de la Prairie des Filtres à Toulouse. Et on reçoit pour ça Fabien Lérisson. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Donc Fabien Lérisson, vous êtes directeur du Métronome et du Rio Loco depuis 6 mois, c'est ça? C'est ça, depuis janvier de cette année. C'est tout récent. Ok. Et comment se passe alors l'acclimatation à Toulouse? Ah ben, ça se passe plutôt même très très bien. Même si je suis très déçu par le temps d'aujourd'hui. Ah ouais. mais voilà, depuis janvier, c'est vrai qu'on s'est attelé à déconstruire un peu ce qui avait été annoncé à la fin de la précédente édition, comme c'est un peu la tradition, c'est d'annoncer la thématique de l'année suivante. Ouais. Donc on a pris le temps et assez rapidement de réfléchir à, alors à la fois une nouvelle thématique et puis à ce qu'on voudrait essayer de mettre en avant. Et il y a des créations, beaucoup de place aussi à des artistes féminines engagées. Okay. Et puis aussi des artistes toulousains. Et puis une scène électronique d'Afrique ou du Portugal assez pléthorique et passionnante. Ok, d'où le sous-nom de Mundo Mix. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sous-nom qui est en dessous de Rio Loco? Voilà, alors Mundo Mix pour nous, c'est une épopée qu'on a baptisé Mundo Mix, multiforme, inspiré, porté par des grandes voix féminines, comme je le disais, et puis des icônes d'ici et d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a deux grandes créations, il y en a trois plus exactement, mais il y en a deux grandes qui ont été conçues autour de deux figures de la musique populaire, incontournable. Une qu'on ne présente plus, c'est Aretha Franklin évidemment. Mmh. Et puis l'autre, c'est un musicien, un batteur qu'on a connu aux côtés de Fela et puis qui a un apport considérable alors je ne vais pas dire spécifiquement dans une esthétique, mais dans la musique tout court. Ouais. Mmh. Oui, un son de batterie qu'on reconnaît de suite dès qu'on écoute un disque, et on peut le trouver sur n'importe quel disque. Récemment, je l'ai écouté sur un disque d'April March, une chanteuse pop américaine. Un grand monsieur. Mais on va rentrer un peu plus dans tout à l'heure, un peu plus sur la programmation jour par jour. Mais avant de revenir là-dessus, on peut dire que le festival Rio Loco, c'est un festival à la fois populaire, festif et de qualité. C'est un alliage qui est jamais facile à faire. Parce que souvent, soit il y a des festivals très pointus, mais pas forcément grand public, et soit des festivals grand public et avec les mêmes têtes d'affiche qu'on voit un peu partout. Comment on se prépare un peu un festival comme ça? Combien à l'avance une programmation de Rio Loco se fait à l'avance, et comment on arrive à cet alliage? Alors c'est un alliage à la fois populaire, mais il y a l'exigence derrière. Ouais. C'est une vision, somme toute, qui est portée par beaucoup de programmateurs. Et c'est vrai qu'on se demande toujours, sur un festival qui est un temps comme ça, en suspension de 4, 5 jours, 3 jours des fois pour certains, mais qu'est-ce qui se passe avant et combien de temps cela met à réfléchir, à concevoir une programmation? Pour nous, en tout cas pour l'équipe de programmateurs, de programmatrices au Rio Loco, ça commence finalement dès la fin de l'édition précédente. D'accord. Voilà, donc il faut compter à peu près 6 à 8 mois. Ouais. Avec, j'imagine, plusieurs... on va voir des festivals un peu dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier, peut-être pas forcément dans le monde entier, mais il y a des grandes rencontres comme ça, de festivals, pas que de musique du monde, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que le Rio Loco, avant, qu'on pouvait mettre dans la catégorie festival de musique du monde, est plutôt aujourd'hui un festival de musique actuelle des mondes, en fait, de tous les continents, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vrai que les références, aujourd'hui, on les connaît. Il y a le WOMEX, pour la partie plus musique du monde. Après, le côté plus actuel, c'est les transmusicales, par exemple, en tout cas l'incontournable festival rennais. Après, il y a d'autres festivals, c'est les festivals d'été, puisqu'on est quand même une terre de festivals en France, et notamment sur la période estivale. Et donc il y a des incontournables même dans le sud de la France, en Occitanie. Le sud, ouais. Voilà, exactement. Même du côté de Marseille. Mmh. Bon, ça, c'est plutôt en octobre. Mais voilà, mais finalement, tout le long de l'année, il y a toujours des événements qui sont ressources pour les programmateurs. On s'en inspire. Après, aussi, c'est une histoire de réseau. C'est-à-dire que, voilà, entre les programmateurs, les directeurs ou les directrices d'événements comme ceux-là, on travaille beaucoup, on échange beaucoup. Il y a de plus en plus aujourd'hui, voilà, il y a un engagement aussi vers la transition écologique. Donc, réduire les coûts aussi des transports, voilà, ça participe à cette transition bas carbone. Je parle de ça, mais c'est important. Du coup, on se parle peut-être un peu plus aujourd'hui pour mutualiser et réfléchir ensemble à des projets communs. Voilà, c'est le cas par exemple d'Aretha Franklin, l'hommage, puisque c'est avec les Nuits de Fourvière. Ok. Voilà, c'est un exemple. Et puis des fois on arrive à une création complètement inattendue de par la qualité et de ce que ça dégage. C'est le cas de la création qui ouvrira le jeudi avec Nidia Gongora et Reco Reco, le groupe toulousain de Global Bass Music. Ok, ok. Bon, on va parler de la programmation jour par jour. Donc ça commence le 14 juin. Côté musique, ça commence dès 18h30 avec un groupe local, Altes Ego, un groupe de soul R&B qu'on avait connu. Il y avait quelques membres d'un groupe qui s'appelait The Roach, voilà, très bon groupe. Donc ça commence très très fort. Enfin, moi, si je devais conseiller une soirée, si on a que 10€, il faut viser le mercredi s'il reste encore des places. Voilà, puisqu'après ça enchaîne avec Noga Erez, une étoile montante de la musique qui nous vient d'Israël, c'est ça? C'est ça. Ouais. Entre pop et hip-hop, R&B aussi, enfin ça... Voilà, avec une très forte personnalité, ouais, sur scène. Et puis bien sûr, il y aura ce grand hommage à Tony Allen. Alors comment est venue cette idée d'hommage à Tony Allen et voilà, qui est quand même une création énorme, enfin c'est quand même... voilà. Alors par le passé, après ça renvoie aussi à ma propre histoire, c'est que j'ai programmé à peu près à 4 reprises, lorsque je dirigeais un festival qui s'appelait Factory, Festival de France. J'étais amené à monter une création avec lui qui s'appelait Psycho and the Boss. Ah oui. Ça s'appelait Psycho and the Factory en lien à l'album. Okay. Et puis deux autres créations, voilà, avec même un truc un peu, quelque chose un peu original avec General Electric il y a quelques années. Et lorsqu'il est décédé, je me suis rapproché d'Eric Trosset, qui est son manager, et il était question qu'il y ait un hommage sur Paris. Finalement, cet hommage, dans un premier temps, s'est déroulé à Londres, à l'initiative de Damon Albarn, avec beaucoup de musiciens nigérians, pour l'occasion, qui avaient accompagné Tony, notamment avec Fela. Okay. Et puis est né, dans un premier temps, un hommage à Paris, à la philharmonie de Paris, avec un certain nombre d'invités plutôt français, des rappeurs, des chanteuses, plein de musiciens différents, et même Sébastien Tellier. Ok. Et puis, voilà, en discutant avec Eric, je lui demandais si il n'était pas encore question de prolonger un peu cette célébration comme une fête sur le festival, s'il n'y avait pas une opportunité. Et là, il m'a dit, figure-toi qu'en plus de ça, Damon Albarn souhaitait absolument rendre hommage en France à Tony. Il n'a pas pu le faire à la Philharmonie de Paris. Après, donc, ok. Voilà, et il a dit, ok, on y va, et ça s'est fait comme ça. Après, voilà, ça va être... Alors Damon, je le dis, mais il ne sera pas simplement là pour faire un featuring, une chanson ou deux. Okay. Mais il sera présent tout le long du show. Ça va durer quand même 110 minutes. Donc ça va être très long, ça va être puissant. Quasiment 2 heures. Voilà, et c'est comme une cérémonie. C'est une véritable cérémonie où tous les protagonistes et les artistes invités seront présents. Voilà, ça... Voilà, il n'y a pas de c'est vraiment pensé comme une, voilà, une célébration un peu Yoruba. Ok. Et donc, en plus de Damon Albarn, qu'on ne présente plus, de Blur et de Gorillaz, il y a Oxmo Puccino, Cheick Tidiansek, Madamba et plein de musiciens. Qui dit création dit, j'imagine, résidence. Ah, mais oui. Et du coup, cette résidence, elle se fait au Rio Loco, elle se fait au Métronome. Enfin, elle se fait au Métronome. Se fait au Métronome, d'accord. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'il y aura Damon Albarn en résidence? Ah, on n'a pas le droit de le dire, je crois. Ok, bon, suspense. Bon, dans tous les cas, on le verra avec plaisir le mercredi 14 juin, du côté à 21h30. Sur la grande scène du Rio Loco. Et puis en plus, après, pour enchaîner, il y a BCUC, c'est comme ça qu'on prononce, c'est un groupe qu'on a découvert du côté du transmusical, une grosse claque, j'y étais. Le chanteur, moi, ça m'a fait penser à un mélange entre James Brown et Joe Starr, enfin voilà, pour situer. Donc il y a une puissance. Mais j'avais tellement pris une claque la première fois que la deuxième fois que je les ai vus au Métronome, j'étais moins dedans. Enfin, mais bon, là, j'en suis sûr qu'à Rio Loco, là, ils vont donner. Donc de l'afro-trans qui nous vient d'Afrique du Sud. C'est ça, mais on a vu le même concert au Transmusical. Et on s'est pris une claque. Ça nous a retourné. Ouais. Et je pense que c'est le. Pour terminer, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué hein, lorsqu'on programme un peu en tête d'affiche cette célébration là, autour de Tony Allen, cet hommage à Tony Allen. On se demandait avec Vincent et Elvire qu'est-ce qui serait le mieux pour terminer la soirée. Et on cherchait, puis on s'est dit unanimement, mais oui, c'est BC aussi, quoi. Yes. Yeah, ça sera, je pense qu'on va, terminer en apesanteur. Ok, bon, pour illustrer cette soirée, moi j'ai choisi un titre de Rocket Juice and the Moon. C'est un groupe qu'avait créé Damon Albarn avec justement Tony Allen et aussi Flea des Red Hot Chili Peppers. Un album éponyme qui est sorti en 2012 et on va s'écouter le morceau Poison. Is poison, poison is a part of love. À l'instant, c'était la chanteuse colombienne Nidia Góngora avec le morceau Ojos Bicheros sur l'album Curao, un album qu'elle avait fait en 2017 avec Quantic, le DJ colombien. Et donc Nidia Góngora, elle sera au Rio Loco le jeudi 15 à 18h30, mais cette fois-ci avec Reco Reco et Canalón de Timbiqui. Et donc vous me disiez à hors antenne qu'ils étaient en résidence, c'est ça, au Metrum cette semaine. Voilà, la semaine dernière, Canalón, donc Nidia Góngora, cette chanteuse alors, qui est très populaire en Colombie, qu'on connaît peut-être moins ici. Et puis ce trio électro de Toulouse. Je crois qu'ils ont, en plus, c'est un projet qui prend des proportions inespérées, puisque au-delà de la création de la rencontre, qui est assez exceptionnelle, ouais, ils vont enregistrer un album. Okay. On peut le dire. Super. Et puis cette création va ensuite voyager dans des festivals, voilà, en France ou en Europe. Ok, donc une création grâce aussi, je crois, à une association locale qui s'appelle Locombia. Voilà, qui organise un festival, notamment Métronome, musique latine. De toute façon, il y a une grosse communauté Amérique latine à Toulouse, donc on devrait se régaler avec ce soir-là, parce qu'il y a aussi Ana Tijoux qui nous vient du Chili. Voilà, c'est ça, qui est une véritable star dans son pays, qui est une activiste, une femme très engagée, qui parle français, qui, je crois, a passé beaucoup de temps en France. Je crois qu'elle est née peut-être en France, mais en tout cas, elle est aussi chilienne. Et la particularité de sa venue, c'est, on est très content, c'est qu'elle vient juste de sortir un single là, il y a quelques semaines, et elle nous fera l'honneur de présenter en exclusivité le jeudi son nouvel album qui s'appelle Vida. Ok, voilà. Très bien. Et donc ce soir-là, il y aura aussi Liraz qui nous vient de Iran, Israël, de la pop persane, Telmari et Abanasana qui nous vient de Cuba, et c'est du hip-hop aussi. On reparlera tout à l'heure un peu de la scène électro et aussi des scènes jeunes publics. Mais maintenant, on va passer au vendredi 16 juin. Vendredi 16 juin, ça commence avec Horus, Maloya Pop. Je ne sais pas si vous voulez vous dire un petit mot dessus. Moi, je ne connais pas. Donc, C'est Sébastien Picot. Il a été repéré dans un groupe, il était chanteur avec la Chica qui s'appelle Three Some Sisters. Moi je l'avais rencontré la première fois, c'était aux côtés de Yael Naïm. Il assurait les back vocals. Et c'est une forte personnalité qui renvoie à la fois au chant Maloya, hein, mais aussi il y a des côtés de James Blake dans sa proposition musicale. Il a une très belle voix et voilà, c'est une vraie découverte. Après, ça s'enchaîne avec Sumten Stones Monks, une personne qui nous vient d'Écosse, mais qui est d'origine hindoue, si je ne m'abuse, et qui fait un mélange de reggae, dub et raga. Assez étonnant, on s'écoutera tout à l'heure juste un titre. Après, grosse tête d'affiche, on peut dire non, Loose and the Yakuza, Congo belge, hip-hop. Exactement, qui, je vous le dis, c'est qu'elle est sur scène, elle s'est entourée d'un groupe de deux musiciens américains. Et ça donne, en tout cas, ça témoigne, je dirais plutôt que ça témoigne, de l'ambition de cette femme qui nous vient de Belgique, proche de Damso d'ailleurs, et qui a une ambition d'aller conquérir un peu l'international. Yes. Et ça va terminer fort encore, comme un peu comme BCUC avec Froze and the Shine, un groupe entre mélange Angola et Portugal et qui fait du rock Cuduro. Qu'est-ce que c'est le rock Cuduro? Voilà, c'est le mélange de rock à guitare, des guitares rock qu'on peut trouver dans bon nombre de projets. Et puis le Cuduro, c'est cette musique qui nous vient d'Angola. Et ça donne, en tout cas avec ce groupe, des hymnes assez entêtants et assez entraînants. Yes. Alors moi, pour illustrer cette soirée-là, j'ai choisi Sumte avec son premier album qui s'appelle Free As Bird, sorti en 2015. Mais elle avait fait un tube qui s'appelle Take a Walk. Peut-être qu'elle jouera ce soir-là, le vendredi 16 juin à 19h45. Donc on s'écoute Sumte. Take a walk in my shoes. Oh, and bring down the wall. Take a walk in my shoes and bring down the wall. And you'll hear the call. Take a walk in my shoes and bring down the wall. And bring down the wall. African proverb says, the truth in the morning becomes daylight with time. M-T-T-T, mother talker, tick-tock. Tick-tock, tick, everybody. Tick-tock, tick. Gogbo aye. Tick-tock, tick. Egboran wo. Tick-tock, tick. Time go de go. Tick-tock, tick. Just like that. Tick-tock, tick. Go the tick, tick tock, tick, and talk to you. Tick tock, tick, yeah. Tick tock, tick, when you're not looking. Tick tock, tick, ah. Tick tock, tick, yeah. Tick tock, tick, oh. Tick tock, tick, ah. Tick tock, tick, good to talk to you. Tick tock, tick, tick tock, tick, oh. everybody. Tick tock tick. Oh boy, yeah. Tick tock tick. I borrow. Oh. Tick tock tick. Time gonna go. Tick tock tick. Just like that. Tick tock tick. You go the tick and tock tock tick tock tick oh. Tick tock tick. When you're not looking. With an equal and opposite reaction. Oh, Europe, my countryman goes, oh, I got a lot of you. Oh, look back, back, back out. Oh, see better, go see tall. Oh, yeah, for my brothers and sisters, listen, oh. Aller jusqu'au bout de ce morceau d'Antibalas qui est sorti en 2020 sur l'album Fou Chronicles. Et pourquoi Antibalas? Parce qu'Antibalas sera un peu le groupe qui va accompagner la soirée Respect to Aretha. Un petit mot sur cette soirée qui va être incroyable. Voilà, c'est très curieux parce que c'est un groupe, on parlait d'Afrobeat avec Tony Allen, c'est aussi ce qui se fait de mieux sur le continent nord-américain. Antibalas, groupe de Brooklyn qui présente la particularité d'être constitué de musiciens issus du label Daptones, les Dapkins pour les nommer, et qui ont accompagné Sharon Jones, même Amy Winehouse. Ah ouais. Et donc ils ont un pied dans l'afrobeat et l'autre pied dans la soul, et c'est une rythmique, en tout cas c'est une machine à groover incomparable. Et la particularité, c'est que les chanteuses sur ce projet, les chanteuses anglaises, sont à la fois issues de la scène soul, ou même proche de Quantique, parce que c'est le cas d'Alice Russell, oui, c'est vrai. Son label anglais, Trofrot. Voilà, c'est ça. Ou Zara McFarlane et Robbie McQuell. Ouais. Oui, qui viennent aussi du jazz. Hein, exactement. Jazz, ouais. Ouais. Ce sont des jazzwomen. Donc super soirée en perspective. Il y aura aussi Joao Selva. Un petit mot sur ce Brésilien. Voilà, il vient de sortir un nouvel album. Je crois qu'il vit en France, il me semble. Et c'est un peu le renouveau du tropicalisme, format musical. Voilà, c'est très frais. Il y a un côté pop très rythmé. Voilà, c'est parfait pour ouvrir cette soirée du samedi 17. Yes. Et puis donc la star après, c'est Tijan Jafakoli qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui fait du reggae, on le présente plus. Et ça finira avec Kaboche qui nous vient du Kenya, une performance pop. Pourquoi performance? Alors voilà, parce qu'il y a une prise de risque hein, de cet artiste. C'est un musicien, mais ça relève de ses interventions, relève de la performance. C'est quelqu'un qui danse, qui chante, qui est un peu multifacette. Qui vient d'Afrique de l'Est, un endroit où il se passe beaucoup de choses en ce moment, notamment sur la scène électro. Et c'est un artiste vraiment à découvrir, voilà, qui a bouché. Je vous recommande parce que c'est un vrai showman. Il y a un mélange de plein de références. Ça va de Michael Jackson en passant par des grandes voix africaines. Ouais. Ok. Et si on n'est pas trop fatigué, ben on pourra aller au Rio Loco le dimanche 18 juin avec Bia Ferreira, Il y aura aussi Imani qui terminera, qu'on ne présente plus et qu'on écoutera tout à l'heure. Mais il y a aussi un gang, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs. 79ers Gang, je ne sais pas, je le prononce comme ça. Ok, mais... et qui nous vient des États-Unis parce que, et de la Nouvelle-Orléans, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'est deux crews qui étaient un peu rivaux, qui étaient même rivaux, et qui ont enterré l'âge de guerre. Voilà, des Black Indians. Donc des musiciens à la fois qui animent, en tout cas qui sont devant dans les processions des carnavals de la Nouvelle-Orléans, et puis qui sont habillés, c'est très impressionnant. Et donc ces deux crews rivaux se sont réunis et autour d'un album et autour d'un projet aussi sur scène. Et ça a été une véritable découverte aux dernières transmusicales de Rennes, on en parlait. Ok. Et voilà, je vous recommande parce que ça va être à la fois haut en couleur et musicalement très puissant. Yes. Les Rives Locaux, donc c'est pas que des concerts sur la scène Village et la scène Pont-Neuf, il y a aussi pour les jeunes publics et familles des spectacles à partir de 17h45, c'est ça, 17h30, 17h45, le mercredi, le samedi, le dimanche, mais pas le jeudi, le vendredi, c'est ça ou je me trompe? Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu pause, c'est la nouvelle scène, on l'a baptisée Scène Garonne, okay. Qui est la scène dédiée au plus jeune public, puisqu'on a pris l'habitude, c'est vrai, même au métronome, d'avoir une récurrence d'après-midi dédiée à cette scène-là, spectacles musicaux, jeune public. Et sur la scène de Rieux Locaux, en tout cas sur la Prairie des Filtres, voilà, c'est une scène qu'on veut développer. Et cette année, avec des spectacles à la fois belges, qui renvoient aussi à l'arbre à palabre africain, ou encore voilà, des spectacles un peu circassiens aussi, yes. Voilà, à découvrir. Et la nouveauté depuis l'an dernier, c'est la scène Onda Mix, donc la scène plutôt électro, qui avait été une belle découverte l'an dernier. Un petit mot sur cette scène cette année? Voilà, il se passe véritablement en Afrique de l'Est. On parle de révolution musicale, mais en tout cas sur cette scène électro, il y a beaucoup de genres, de nouveaux genres musicaux qui émergent. Parler par exemple du DJ Travella, notamment, c'est ce qu'on appelle le Singeli, qui est devenu une sorte de hymne pour le pays, la Tanzanie. Et c'est très rythmé, c'est très physique, c'est très dansant. Je vous recommande de venir vraiment découvrir DJ Travella. Et donc, il se passe notamment du côté de Kampala, au sein d'un collectif qui s'appelle Niégué Niégué, tout un bouillonnement musical, expérimental et passionnant, avec beaucoup, beaucoup aussi de productrices musique électronique. Voilà, c'est un mix vraiment détonnant. Et voilà, je vous recommande. Cette soirée est labellisée par un média qu'on apprécie tout particulièrement, qui est le média PAM, okay. Voilà, qui est prescripteur dans ces musiques électroniques d'Afrique. D'accord. Voilà, je vous recommande aussi de venir voilà, danser au rythme ouais. De l'Afrique. Il fera chaud en plus, c'est beau, sûrement. Et c'est Rives Locaux, c'est aussi des choses dans la ville, souvent bah, des choses gratuites. Un petit mot là-dessus Voilà, il y a toute une programmation qui ouvre chaque année au moment de la mi-mai, dans les jardins du muséum, avec une programmation dédiée qui permet de donner un peu la température et l'envie de venir sur la Prairie des Filtres un mois plus tard, avec des artistes majoritairement toulousains, toulousaines, et puis dans des endroits un peu originaux. Alors ça peut être aussi en milieu carcéral, comme ça peut être aussi dans des centres culturels de la ville ou des médiathèques, ou encore voilà, des bibliothèques ou des endroits repérés, un peu plus repérés, comme pour nommer deux d'entre eux, le Taquin ou le Bijou. Yes. Écoutez, merci. On rappelle donc le Rives Locaux, ça a lieu du 14 au 18 juin, du côté de la Prairie des Filtres. Il n'y a plus de passe, mais il reste des places à la journée, c'est ça, pour la modique somme de 10 euros. 10 euros pour, quand même, c'est avec une programmation qui peut aller riche. Qui peut aller de 17h45 à 1h du mat. 1h du matin. Voilà, en tout cas, minuit et demi, mais 1h du mat, c'est terminé. Et voilà, et puis l'originalité aussi de cette année, c'est qu'on a décidé de mettre à disposition pour les Toulousains et les Toulousaines qui viendront sur la Prairie des Filtres une application voilà, qui ah permettra oui. De se repérer. J'ai vu passer ça. Entre les trois scènes et puis de choisir ses artistes, de ne pas oublier le rendez-vous de ses artistes préférés. Et puis vous pouvez toujours aller sur le site, je crois c'est rio-loco.org, chose comme ça. En tout cas, vous tapez Rio Loco sur votre moteur de recherche, vous trouverez. Merci beaucoup Fabien Lérisson. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour terminer, on va s'écouter un morceau de Imani avec son album Woodoo Cello, un album de reprise où elle avait, avec un, je crois, huit violoncelles, c'est ça ? C'est ça. Et c'est la particularité de ce projet, c'est qu'initialement, il était prévu pour des salles. Donc, Imani, ça sera en tout cas pour nous, la Prairie des Filles, la première fois que ce spectacle se sera donné en version plein air. Ok. Et elle reprend, je sais, Radiohead, etc. Mais moi, j'ai choisi une reprise de Elton John, I'm Still Landing. Donc, on s'écoute de suite. Imani. Si ça veut démarrer. Voilà. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Did you think this fool could never win? Well look at me, I'm a coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win, you started down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if our love was just a circus, you'll be a clown by now. And don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Donc à l'instant, c'était Imani, la belle voix d'Imani, avec l'album Voodoo Cello, et c'était le morceau I Am Still Landing, une reprise d'Elton John, et elle sera sur la scène Pont-Neuf du Rio Loco le dimanche 18 juin à 21h45. Allez, changement d'ambiance maintenant avec la rubrique Nécro, qu'on fait maintenant tous les 15 jours à peu près. Mais celle-là, moi, m'a beaucoup touché, la mort de Jean-Louis Murat, déjà parce que à 71 ans, je trouve ça jeune. Et c'est un monsieur que j'aimais beaucoup musicalement, mais même l'homme, je sais qu'il était contesté, mais je sais pas, moi j'adorais ses positions. J'ai découvert surtout Jean-Louis Murat avec l'album Mustango, qui avait sorti en 1999 avec la chanteuse Jennifer Charles et Lillian Fields. Et donc on va s'écouter deux extraits, enfin d'abord un premier extrait de Mustango et après un extrait de Le Moujik et sa femme. Et l'extrait de Mustango, c'est Jim, l'héritier des Flynn. Of lovers, of lovers, of lovers. somme, je rentrais chez moi. Le plexus touche os comme à chaque fois. J'allais prendre à droite, direction Vindée. Quand la petite chose m'a murmuré, mon amour est-il dans son quartier de lune? Mon amour est-il faire un tour dans l'au-delà? Mon amour a-t-il mis ses habits de fête? Mon amour est-il faire un tour dans l'eau, dans l'au-delà? La vie en plein air, il n'y a que ça. J'allais aux servières, moi, fraîchir le mois. Ma première framboise, j'allais savourer. Quand les libellules en cœur m'enchantaient. Mon amour est-il dans son quartier de lune? Mon amour est-il faire un tour dans l'au-delà? Mon amour est-il mis ses habits de fête? Mon amour est-il faire un tour dans l'eau, dans l'au-delà? J'ai dit nom de Dieu, on n'est plus chez soi. A dit ça. Moi je prépare le tour, oh, vous m'ennuyez. Mais sur le bitume je chantonnais. Mon amour est-il dans son quartier de lune? Mon amour est-il faire un tour dans l'au-delà? Mon amour est-il mis ses habits de fête? Mon amour est-il faire un tour dans l'au-delà? M'arriver au cœur, tant de défenaisons, tant du ton vengeur. Toujours une fiole, le cul au frais. Mais même sous alcool, j'ai chantonné. Où mon amour est-il dans son quartier de lune? Mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà? Mon amour a-t-il mis ses habits de fête? Mon amour veut-il faire un tour dans l'eau? Dans l'au-delà. Le gond de l'orage entre les rochers. Mourir en montagne, mourir foudroyé. Mon âme, cette chienne s'est enragée. Cette bi-musicienne va pas la fermer. Oh, mon amour est-il dans son quartier de lune? Mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà? Mon amour a-t-il mis ses habits de fête? Mon amour veut-il faire un tour dans l'eau, dans l'au-delà? Mon amour est-il dans son quartier de lune? Mon amour veut-il faire un tour dans l'au-delà? Mon amour a-t-il mis ses habits de fête? Mon amour veut-il faire un tour dans l'eau, dans l'au-delà? Jean-Louis Murat qui a atteint l'au-delà à l'âge de 71 ans. L'au-delà, donc un titre extrait du Moujik et sa femme. Jean-Louis donc est mort à 71 ans, alors que quelques jours avant, genre 4 jours avant, il était sur la scène à Tulle des Landes avec Elysian Fields. Et que la semaine où il est mort, enfin même le lendemain de sa mort, sortait son premier best-of. Donc voilà, dingue. Ouais. Bon, mais merci en tout cas pour tout, Jean-Louis. On continuera à t'écouter. Voilà. Suite. La suite, c'est le second album de la semaine qui nous vient de Suède et qui est signé Fever Ray. Alors, Fever Ray, c'est le projet solo de Karin Dreyer, également connu pour former avec son frère Olof Dreyer le fameux duo The Knife. Et donc sous cette forme solo, c'est seulement son troisième album depuis 2009, donc quelqu'un qui sait se faire rare. Un album sur lequel elle a reçu quelques renforts de choix, notamment donc Trent Reznor et Atticus Ford, les deux membres de Nine Inch Nails, qui sont à la production et à la composition de deux morceaux. Celle de son frère Olof, qui est crédité à la production sur beaucoup de morceaux. Également du producteur anglais Vessel, qu'on a pu voir au CS électronique. Niveau musical, c'est de l'électropop avant-gardiste, assez minimal, base de rythmique saturée, de percussions tribales, de beats électro. C'est un univers froid, immédiatement identifiable, sans doute moins organique que son précédent album Plunge de 2017, qui évoquait, je crois, les affres de la maternité, les affres et les bonheurs aussi. Voilà, et il y a des morceaux donc assez pop, des morceaux assez dansants et des choses nettement plus atmosphériques. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Even It Out. C'est un des morceaux justement produit par Trent Reznor et Atticus Ford. Et c'est un peu un des tubes, on va dire, pop de l'album. Mais on fera suivre par le morceau Carbon Dioxide, qui est lui assez dansant et expérimental. Donc Fever Ray, c'est parti. There's no room for you, and we know where you live. donc à l'instant, c'était le morceau Carbone Dioxide, donc second extrait d'un second album de la semaine, le Radical Romantics de Fever Ray, un univers assez singulier. On va terminer l'émission une fois coutume par de la house expérimentale avec The Soft Pink Truth, qui est un projet amené par Drew Daniel, qui est une moitié de Matt Moss. C'est leur septième album depuis 2003, donc c'est quelqu'un qui s'est entouré d'un groupe, un vrai groupe de musique, avec notamment le pianiste Coy Berry, les saxophonistes Andrew Bernstein et John Byrne, qui donnent un côté vraiment très très jazzy à beaucoup de morceaux, le guitariste Mark Lightcap et le bassiste Jason Willett et l'excellente chanteuse Angèle Deradourian, qu'on connaît bien ici. Voilà, et ce côté groupe amène une vraie chaleur et mêlé au côté un peu expérimental et hypnotique de l'électronique de Drew Daniel, ça donne des sets assez singuliers sur scène. En tout cas, c'est vraiment très très envoûtant. Un album, c'est très riche, ça peut partir n'importe où, comme souvent avec des gens issus de Matt Moss, mais ça peut aussi avoir des morceaux plutôt atmosphériques, comme le Joy Breath qu'on va écouter maintenant et qui va conclure l'émission. Voilà, The Soft Pink Truth, c'est parti, je vous dis à dans 15 jours. Thank you. Thank you.